Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, dans la chronique, je vous emmène en Arizona pour suivre les mœurs surprenantes d'un des seuls rapaces au monde à chasser en groupe, la buse de Harris. J'aurai ensuite la chance de recevoir Margot Constance, doctorante en histoire, rattachée au laboratoire FRAMESPA, France, Amérique, Espagne, Société, Pouvoir, Acteur, de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Elle nous présente son sujet de recherche qui porte sur la fauconnerie et la société aristocratique en France méridionale du 11e au 14e siècle. Bonjour Margot et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Ce cri iconique qui évoque invariablement les étendues arides et indomptables, vous l'avez forcément déjà entendu, dans un film, voire même dans un documentaire. Ce son reconnaissable entre mille est utilisé sans cesse et à tire-larigot pour habiller l'apparition de n'importe quel rapace diurne, solitaire et inquiétant qui fond à l'écran, qu'il soit faucon, aigle, autour ou busard. Le cinéma ne fait pas dans la dentelle, et c'est donc un seul et unique oiseau qui donne sa voix à toute cette clique de prédateurs ailés. Il s'agit de la buse à queue rousse, Buteo jamaicensis, que vous n'avez aucune chance de croiser sur notre continent européen, que ce soit dans les Pyrénées ou dans le massif du Vercors, quoique les téléfilms essayent de nous faire croire. Les rapaces diurnes sont souvent perçus comme des animaux nobles et fiers. Chasseurs implacables, on loue leur beauté, l'aérodynamisme de leur silhouette et leur prouesse de tueur rapide comme l'éclair. Même si l'adjectif « rapace » évoque encore l'avarice, les représentations de ces oiseaux sont aujourd'hui plutôt positives. Contrairement aux serpents et autres lézards, pour qui le côté solitaire de leurs mœurs est plutôt mal vu, on perçoit souvent avec nos lunettes anthropomorphiques les rapaces comme des chasseurs solos, voire taciturnes, qui n'ont besoin de personne. Or, comme bien souvent, les apparences se révèlent trompeuses, et les oiseaux de proie peuvent aussi la jouer collectif. Mais voilà, quand les humains sont persuadés de quelque chose, ils ne cherchent pas forcément à creuser la question, et les informations tardent à arriver pour les contredire. Dans un article publié en 1993 dans le journal Bioscience, David Ellis et ses collaborateurs se sont proposés de résumer ce que l'on savait sur la vie sociale de ces chasseurs emplumés qui, même si elle n'est pas majoritaire, n'est peut-être pas si rare que ça. Plusieurs espèces de rapaces forment des couples fidèles et il peut arriver que monsieur et madame fassent leur course ensemble et coopèrent lors de la chasse. Ce serait notamment le cas chez l'aigle royal, les faucons laniers et pèlerins. Chez ces derniers, on suspecte même que les frères et sœurs chassent à plusieurs quand ils quittent tout juste le nid parental. Entre frangin frangine, on se serre les coudes. 7 espèces de faucons et 4 autres espèces de buses et d'aigles, au moins, feraient équipe en couple. Mais ce qui décroche la timbale de l'esprit d'équipe est une cousine de notre buse à queue rousse du début. Il s'agit de la buse de Harris, Para Buteo Unikingtu, dont la socialité est si particulière qu'on la compare souvent à celle des loups. Ces oiseaux qui s'approchent du gabarit de notre buse variable, mais si, vous savez, ces rapaces plus ou moins bruns qui hantent les bordures de nationales en quête d'un repas, qui traînent sur les poteaux le long des routes, 50 à 60 cm de long, 1 mètre d'envergure, et un plumage tout brun. La buse de Harris se distingue de sa cousine européenne par des ailes d'un beau roux et la base de la queue blanche. Comme chez beaucoup de rapaces, la femelle est significativement plus grande que le mâle. D'ailleurs, on désigne souvent la femelle sous le nom de forme, et le mâle, qui est souvent un tiers plus petit que sa compagne, gagne le sobriquet de tiercelet. Ces termes viennent d'ailleurs de la fauconnerie, et ils s'étaient autrefois appliqués uniquement aux faucons pèlerins, pour être maintenant étendus à tous les autres rapaces. Aujourd'hui, la buse de Harris est l'un des oiseaux les plus utilisés par les fauconniers, justement. Mais ce qui change clairement la donne pour notre chasseresse, comparée à notre buse à nous, c'est son milieu de vie. Elle vit au sud du continent nord-américain et s'étend en Amérique du Sud. Des publications scientifiques récentes, comme l'article publié en 2021 dans la revue Animals par Lucas M. Levaux, montrent même qu'elle prend de plus en plus ses quartiers dans nos villes, comme à Buenos Aires et à La Plata, en Argentine. Des zones qu'elle se met à coloniser uniquement depuis les années 2010. Il faut dire qu'en temps normal, les bus de Harris vivent plutôt dans des décors secs et arides, dignes des plus grands westerns. Leur truc, ce sont les déserts. On les trouve notamment en Arizona, au Texas et au Nouveau-Mexique. Des milieux particulièrement difficiles et contraignants où la température peut atteindre les 45 degrés. Piou ! On comprend aussi que, vu les conditions de vie, les scientifiques ne se bousculent pas pour aller les étudier. Les articles sur leur comportement, bien que fascinants, restent donc peu nombreux. Pour guetter leur proie, elles aiment se percher tout en haut des cactus saguaro, qui culminent à 15 mètres de haut. De là-haut, rien ne leur échappe. Oiseaux, lézards et mammifères figurent à leur menu. Les bus de Harris forment des couples, la plupart du temps, et chaque duo d'amoureux défend son territoire farouchement face aux concurrents. Mais il a été observé que, parfois, les bus forment des groupes qui chassent à plusieurs de manière coordonnée et élèvent leurs petits collectivement. Cela a notamment été documenté par James Williams Dawson, qui a soutenu sa thèse sur le sujet en 1988 à l'université d'Arizona. Les buses peuvent alors former des petits groupes de 4 individus en moyenne, habituellement constitués d'un couple reproducteur et de un ou plusieurs oiseaux satellites. Mais dans les faits, cette structure est variable et plein d'associations différentes peuvent naître entre les membres du groupe. Parfois, il y a un couple fidèle et exclusif, purement monogame, mais il arrive aussi, même si ça reste rare, que le couple principal ait plusieurs partenaires, et que le mâle et la femelle s'accouplent, chacun de leur côté, avec les adultes satellites. On parle alors de polygamie. L'identité et le sexe des oiseaux satellites sont également variables, et selon les études, les informations diffèrent. On trouve souvent dans le rôle des aidants des jeunes immatures, majoritairement des mâles, qui ne sont pas encore en âge de se reproduire. Il leur faudra attendre 3 ans pour faire des bébés à leur tour. Ces jeunes oiseaux aident à couver les œufs, nourrir les petits ou à leur faire de l'ombre en se tenant debout au-dessus d'eux, comme un parasol. Ainsi, même s'ils ne se reproduisent pas, ils gagnent en expérience pour être de bons parents quand leur tour viendra d'élever des oisillons. Tout le monde y gagne. Ce qui est surprenant, c'est qu'il a aussi été observé que des individus adultes, et donc capables de se reproduire eux-mêmes, pouvaient aider le couple principal. Et contrairement à ce que l'on aurait pu supposer, les analyses génétiques ont montré que ces nounous n'avaient pas nécessairement de lien de parenté avec le couple reproducteur. Mais globalement, les mâles ont l'air plus répandus en tant qu'aidants que les femelles. Au niveau chasse collective, on observe des techniques bien rodées. Quand une proie est repérée, tous les membres l'encerclent. L'un des oiseaux peut la débusquer au sol, dans les buissons ou les cactus, et les autres membres du groupe vont se jeter dessus, toutes serres dehors. Une fois la chasse victorieuse, tous les oiseaux se partagent la proie, mais les dominants mangent en premier. Il existe en effet une hiérarchie linéaire, assez stricte, au sein du groupe. Le dominant est l'oiseau le plus imposant en taille, et donc la femelle reproductrice. On l'appelle alpha, comme la première lettre de l'alphabet grec. Elle passe avant tous les autres. L'oiseau numéro 2, appelé bêta, est souvent le mâle du couple reproducteur. Il est en dessous de l'alpha, mais au-dessus des autres oiseaux, et ainsi de suite jusqu'au dernier membre, qui lui est tout en bas de l'échelle. On pourrait penser qu'encercler la proie et la pourchasser en groupe augmenterait les chances de réussite et la taille des animaux qui peuvent figurer à leur menu, comme le lièvre de Californie, qui fait un sacré casse-croûte. Mais quand on y regarde de plus près, les réussites des couples et des groupes de bus de Harris ne sont peut-être pas si différentes que ça. C'est en tout cas ce que laisse entendre un article publié en 2022 dans le Journal of Reptile Research par Samantha Hagler et ses collaborateurs. Contrairement à ce qu'ils pensaient observer, les scientifiques ont noté que les couples attrapaient en moyenne plus de proies que les groupes, bien que leurs données ne soient pas significativement différentes. Alors quel intérêt le groupe présente-t-il face au couple si la chasse ne permet pas d'attraper plus de proies? La question subsiste et les recherches se poursuivent. Un truc mignon pour finir? Les bus d'un même groupe se perchent souvent tout près l'une de l'autre au point de se frôler, et c'est même comme ça que l'on mesure leur degré d'affection. Certaines d'entre elles font même du backstanding, un comportement surprenant où un oiseau se perche sur le dos d'un autre, comme s'il jouait à saute-mouton. aucune tentative d'accouplement. Il semblerait bien que les bus de Harris se montrent leur affinité en se grimpant dessus. Loin d'être toujours les chasseurs solitaires que l'on dépeint souvent, certains rapaces la jouent collectif et semblent même apprécier la compagnie. Encore un peu d'effort et on finira même par les croire capables d'un peu de réflexion. Fini les triples buses ? On y croit. Et nous revoici avec notre invitée, Margot Constance, doctorante en histoire sous la codirection de Sophie Brouquet et Baudouin Vandenabel. Elle est rattachée au laboratoire FRAMESPA, France, Amérique, Espagne, Société, Pouvoir, Acteur, de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, et vient nous parler aujourd'hui de son sujet de recherche qui porte sur la fauconnerie et la société aristocratique de France méridionale du XIe au XIVe siècle. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de contexte historique sur votre travail ? Par exemple, quelles pratiques existaient en matière de fauconnerie et à quel point est-ce qu'elles étaient répandues en France à cette époque-là ? Alors, de manière générale, les études en archéozoologie montrent que la chasse constitue une part infime de l'alimentation paysanne. Donc l'archéozoologue étudie les relations entre l'homme et l'animal dans le passé et à travers les restes fauniques, en fait, tout simplement retrouvés dans un contexte archéologique. Donc la chasse représente une part un peu plus grande pour l'aristocratie, mais reste tout de même mineure, alors que symboliquement, elle est massivement mise en avant. Dans ce contexte, la fauconnerie est particulièrement intéressante, car c'est une chasse qui n'est pas marginale, ni individuelle, mais collective. La fauconnerie est pratiquée en groupe et c'est une mise en scène du pouvoir et de la domination qui nous livre des clés sur l'idéologie du groupe aristocratique, c'est-à-dire sur la structure du groupe dominant. Qui est invité à la chasse, qui participe, qui n'y participe pas. Voilà, ce sont des enjeux assez fondamentaux. Mais ça veut dire que les seules personnes qui pratiquaient la chasse à la fauconnerie, c'était des notables. C'était des aristocrates. Voilà, donc je vous ai expliqué que l'histoire du groupe aristocratique au XIIe siècle a été, depuis les recherches menées par Georges Duby, donc un grand historien du Moyen-Âge, profondément renouvelée par les travaux, par exemple, de Martin Aurel, Hélène Debax pour l'Université de Toulouse-Jean Jaurès ou encore Laurent Massé pour l'Université Jean Jaurès. Plus largement pour la France, par Joseph Morcel aussi, qui a publié très récemment un ouvrage sur l'aristocratie. Enfin, ces historiens ont insisté sur la restructuration justement de ce groupe au XIIe et XIIIe siècle par les relations justement féodo-vassaliques. Et donc au XIIIe siècle, on assiste à la mise en scène de la fauconnerie, puisque la chasse n'est plus seulement justement réservée à l'aristocratie. On connaît le cas de bourgeois qui essayaient de se distinguer et de légitimer une appartenance discutée au groupe dominant, donc à l'aristocratie, par la possession de ces oiseaux. Pour ma part, je travaille principalement sur le Moyen-Âge central, donc ces XIIe et XIIIe siècles. Et le XIIe siècle est marqué par une augmentation de la production des traités de fauconnerie, donc des textes sur la fauconnerie qui sont rédigés en latin, alors que le XIIIe siècle, quant à lui, voit éclore les premiers traités de fauconnerie en langue vernaculaire. Donc qui ne sont plus rédigés en latin, mais peuvent être rédigés en occitan médiéval, en italien, en catalan, etc. Donc là, ces traités, puisqu'on parle de langue vernaculaire, comme vous le disiez, on peut se demander à qui est-ce qu'ils s'adressent. Si on passe d'un texte plutôt en latin pour les érudits à un texte vraiment plus de la langue commune, si je puis dire. Pour ce qui est des destinataires, on peut seulement émettre des hypothèses. Voilà, ce sont des textes, ces traités-là sont des textes relativement courts et leur établissement en langue latine permet d'induire l'hypothèse d'une rédaction effectuée par des élites lettrées pour une population instruite. Les destinataires premiers appartiennent à un lectorat possédant un certain degré d'instruction et de culture et qui de fait sont amenés à l'apprentissage d'une telle pratique. On peut aussi supposer que le contenu de ces traités est plutôt destiné aux fauconniers ou encore aux médecins qui, eux, étaient spécialistes de la thérapeutique aviaire et familiers des maux de ces oiseaux. Baudouin Vandenabel, d'ailleurs mon co-directeur de thèse, ajoute qu'on a affaire à une littérature savante concernant une activité exercée en partie par des serviteurs non lettrés. Et donc, une lecture médiatisée par le recours à un lecteur instruit traduisant le texte n'est pas non plus à exclure. Donc ces textes pouvaient aussi peut-être être destinés aux fauconniers ou aux serviteurs non lettrés qui étaient au contact des oiseaux. Au niveau du contenu, dans ces traités, quelles informations on pouvait trouver ? Alors, les traités de fauconnerie latins qui marquent le XIIe siècle ne traitent presque que du sujet thérapeutique et pas de l'affêtage. Donc, l'affêtage, c'est le terme qui correspond au mot dressage pour les animaux, sauf que bah, pour les oiseaux de proie, on emploie le terme affêté. La composition des traités du XIIIe siècle est différente. Selon les traités, on a affaire à une perspective que l'on pourrait plutôt qualifier de vétérinaire, puisque les auteurs ne passent pas seulement en revue la médication et la partie thérapeutique, mais vont aussi s'intéresser aux différentes espèces d'oiseaux de proie, à leur affêtage, à leur reconnaissance. Enfin voilà, donc on a vraiment plus de sujets traités et ils essayent de faire le tour du moins du sujet. Donc là, les buts principaux, c'est quand même surtout de soigner ces oiseaux, faire en sorte qu'ils soient en meilleure forme possible, et comment est-ce qu'on les dresse, on les entraîne à chasser. C'est surtout ça. Voilà, dans le corpus que j'étudie à titre personnel, la partie médication a vraiment une place fondamentale. On s'intéresse vraiment aux différentes pathologies, à la symptomatique, aux maux dont ils pourraient souffrir, aux blessures qu'ils pourraient se faire eux-mêmes ou qu'on pourrait leur infliger, et à la manière de les soigner. Après, effectivement, il y a une place importante qui est aussi dédiée, du moins pas pour les textes latins, évidemment, pour les textes un petit peu plus tardifs, à la reconnaissance de ces oiseaux, la reconnaissance des différentes espèces, lesquelles étaient considérées comme les meilleures, lesquelles étaient moins bonnes, puisqu'effectivement, selon l'oiseau qu'un seigneur va posséder, il va être élevé différemment par rapport à un autre seigneur qui possédera des oiseaux de moins bonnes conditions. Donc c'était aussi un outil, l'oiseau permettait de se structurer au sein de la caste aristocratique. Et puis, effectivement, il y a toute une autre partie destinée à l'affêtage des oiseaux, donc comment les entraîner à chasser. Mais ça veut dire que si la question de la santé est aussi primordiale, c'est aussi que j'imagine que c'était des biens précieux, ces oiseaux. Tout à fait. Donc il y a vraiment tout ce... Ça nous ramène un peu à la question de quel statut ils avaient. C'était quand même surtout et avant tout des objets de gloire et de renom, j'imagine. Donc le fauconnier a tout intérêt à ce qu'il soit en bonne santé, à ce qu'il devait coûter cher. Tout à fait. Donc, parce que c'est vrai qu'on a cette idée que la chasse, ça a un côté très lié au statut, mais au final, l'animal sort peu et il est beaucoup sous le soin du fauconnier. Exactement. La personne avec qui l'oiseau de proie est le plus en contact durant sa croissance, durant l'affêtage, c'est le fauconnier. Au final, le seigneur possède l'oiseau, du moins là avec lui, pour les parties de chasse, pour les sorties en tant qu'apparat, tout simplement. L'oiseau est là pour améliorer sa condition physique, mais aussi sa condition morale. Et vous l'évoquiez dans ces fameux traités, on évoque les différents oiseaux de proie qui sont utilisés pour la chasse. Est-ce que l'on sait quel rapace était employé en fauconnerie à cette époque ? Les rapaces qui sont mentionnés dans les textes sont l'autour, l'épervier, le faucon gerfaut, le faucon pèlerin, le faucon sacre, le faucon lanier et les mérillons. Alors ces différentes espèces sont elles-mêmes, selon les classifications actuelles, divisées en deux familles, les falconidés et les axipitrinés. Donc la famille des faucons et toute la famille donc des autours, éperviers, qui Exactement. Sont une autre famille. Ouais, tout okay. à fait. Et ça, ces oiseaux-là, ce sont que des animaux qui ont été capturés en nature dans la zone où résident les gens qui ont rédigé ces traités. Il n'y a pas d'espèces exotiques qui viennent d'ailleurs. Les oiseaux sont majoritairement prélevés au nid, on appelle ça les oiseaux niais. Mais on pense qu'il existait aussi un commerce des oiseaux de proie, seulement on n'a pas d'informations, du moins pour le Moyen-Âge, on n'a aucune information concernant ce commerce-là. Après, effectivement, il y a des espèces indigènes, donc le faucon pèlerin, le faucon sacre aussi, qui ne vient pas du tout de la même zone géographique. Donc ça atteste simplement qu'il y a un mouvement au niveau des oiseaux. Mais est-ce que ce sont des biens commerciaux ? Est-ce que ce sont des cadeaux diplomatiques qui sont faits ? Voilà. Ouais, ça, c'est dur de savoir. Exactement. C'est très difficile de le savoir. Du moins, pour les espèces locales, il y avait un prélèvement qui se faisait au nid, des oiseaux niais. Mais ça devait, ce prélèvement devait respecter quand même certaines conditions pour que les parents, enfin du moins les adultes, les oiseaux adultes continuent de se reproduire et continuent de faire naître des oiseaux, puisqu'on sait que la reproduction des oiseaux de proie est quand même extrêmement compliquée, même dans la nature. Donc on a relativement peu d'individus. Mais ça veut dire que si on récupère donc les jeunes au nid, ça veut dire que les oiseaux sont encore petits. Donc ça veut dire que, outre les connaissances médicales pour les soigner, ça veut dire que les fauconniers devaient être capables d'élever des très jeunes oiseaux à un stade plutôt précoce de leur développement. Donc ça veut dire qu'ils devaient savoir quand même assez finement comment les nourrir, comment les tenir au chaud. Alors qu'à l'époque, on n'avait pas de lampe chauffante et on n'avait pas forcément les mêmes savoir-faire pour s'en occuper. Tout à fait. Alors, concernant déjà le fait de prélever les oiseaux au nid, on s'est rendu compte, notamment à l'étude d'un traité de fauconnerie du XIIIe siècle, donc rédigé en 1240, il me semble, le traité De arte venandicum avibus de Frédéric II de Hohenstaufen, qui était empereur du Saint-Empire germanique, qui a écrit un traité de fauconnerie colossal, qui avait vraiment, je pense, un but encyclopédique, donc de vraiment traiter tous les aspects du sujet. Il était passionné des oiseaux de proie. Il avait de réelles observations éthologiques, et donc on a déjà beaucoup d'informations sur le fait de prélever ces oiseaux au nid, et donc toutes les conditions à rassembler pour que ça puisse se faire dans des bonnes conditions, puisque lorsque un oiseau de proie, du moins l'un des parents, s'il voit qu'un individu s'approcher du nid et y prendre quelque chose, ils vont abandonner les autres petits. Donc il fallait déjà rassembler beaucoup de conditions et donc aller prélever ces oiseaux quand les parents n'étaient pas là. Il fallait surtout pas que l'un des parents voie qu'un individu s'approchait du nid. Donc il fallait quand même faire très attention au périmètre qui entourait le nid. Puis une fois que l'oiseau était prélevé, il fallait en prendre soin. Donc en prendre soin au quotidien et essayer de vous expliquer ça de manière exhaustive prendrait, je pense, des heures. Toutefois, voilà, il faut garder à l'esprit que l'oiseau de proie est un animal stressé. Et lors de nos échanges, j'ai échangé avec un éthologue donc, qui s'appelle Simon Potier, et qui expliquait qu'il y a une pratique aujourd'hui qui s'appelle l'habituation. Donc c'était une pratique pour affêter les oiseaux puisqu'on ne domestique pas un oiseau de proie. On l'affête tout simplement. Et donc il est nécessaire de passer beaucoup de temps avec lui et on ne peut pas le domestiquer. On l'habitue tout simplement. Donc l'objectif c'est de dresser un climat de confiance et le fauconnier devient ainsi le référent de l'oiseau et une attache se crée entre le fauconnier et l'animal. Et donc c'est déjà ce procédé qui était employé avec les jeunes oiseaux. Et Baudouin van den Abel d'ailleurs en parle dans un article intitulé « La connaissance du comportement des oiseaux selon les traités de fauconnerie latins, 10e, 14e siècle ». Et il s'intéresse justement au cas particulier du traité de Frédéric II Hohenstaufen, où il y évoque l'importance justement d'accoutumer les oiseaux dès leur plus jeune âge à se saisir pour se nourrir de tout ce qui est rouge. Donc la viande forcément saignante. Exactement. Et on retrouve ça d'ailleurs dans d'autres traités dans un traité du XIIe siècle, le De Sauibus Tractatus de Adélard de Basse, ou encore dans un traité de fauconnerie occitan, le roman des Aouzel Kassadou, donc le roman des oiseaux qui chassent, qui précise aussi la nécessité de teinter les œufs donnés en nourriture aux jeunes oiseaux avec du sang. Ah, oh, wow. Voilà. Et donc, Baudouin van den Abel met en avant cette notion d'habituation ou d'accoutumance lors de l'affêtage, notamment à travers la privation de nourriture, la fatigue, la privation de vue, tout cela dans un but de conditionner et d'habituer l'oiseau de proie au fauconnier et plus largement à la présence de l'homme. C'est intéressant parce que ça veut dire que voilà, il y avait quand même aussi des bases d'études du comportement parce qu'ils avaient compris que voilà, en passant du temps avec, on les habituait au niveau des habitudes alimentaires. Enfin, il y a quand même déjà des bases. On ne va pas parler de traités éthologiques, mais il y a quand même quelques avancées là-dessus. Hein. Effectivement, on observe de réelles analyses éthologiques justement, et ce type de conditionnement peut être rapproché, il me semble, du conditionnement pavlovien. Donc c'est vraiment très intéressant d'étudier justement cette proximité, ce procédé d'habituation entre l'homme et l'oiseau. Alors on l'a vu, c'est vrai qu'il y a une relation qui se crée entre le fauconnier et les oiseaux dont il a la charge, parce que c'est vrai que c'est vraiment lui qui passe tout son temps, qui va affêter l'oiseau, le nourrir. Est-ce que on a des informations dans ces traités sur la nature du lien entre le fauconnier et les oiseaux dont il s'occupe ? Eh bien justement, c'est plutôt difficile à savoir, puisque la littérature et l'iconographie médiévale abondent en représentations de scènes de chasse. Le seigneur faucon sur le poing y est valorisé par les qualités morales et physiques de son oiseau. Toutefois, ce n'est pas le seigneur qui finalement est le plus au contact de l'animal, comme on l'a dit tout à l'heure, mais bien le fauconnier, qui selon les textes est quotidiennement en présence de l'oiseau. Et là, Baudouin van den Abel, dans ses recherches, signalait justement la pauvreté des informations disponibles sur cet acteur, pourtant indispensable à la survie, au développement et à l'affêtage des oiseaux de proie. J'ai étudié les données disponibles au sein d'un traité de fauconnerie, donc un traité de fauconnerie occitan du XIIIe siècle, et j'ai pu y noter qu'il était nécessaire pour le fauconnier, par exemple, de nouer une relation personnelle, presque intime avec l'oiseau de proie, auprès duquel il passe énormément de temps. Cette relation lui permet ainsi d'affêter l'oiseau correctement, afin que celui-ci ne prenne pas la fuite lors des moments de chasse ou qu'il n'acquiert pas de mauvais traits de caractère. Voilà, comme c'est d'ailleurs mentionné dans le traité, il ne faut pas que l'oiseau acquiert de mauvais traits de caractère. Le traité de fauconnerie met aussi en scène l'affêtage des faucons comme une éducation de noble et l'oiseau de proie devient alors, pour l'auteur, presque une image de l'aristocrate idéal. Il est aussi nécessaire de constater que bien que l'on attribue à l'oiseau des traits de caractère anthropomorphisés et des émotions, il ne semble pourtant pas y avoir d'affect pour ces animaux, ils sont comme une image polie pour ressembler à cet idéal de représentation, mais ils ne sont absolument pas individualisés ou personnifiés. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander, est-ce que ces animaux, ils ont des noms par exemple ? Non. Ça, jamais. Aucun faucon ne n'est baptisé, alors que c'est vrai qu'à l'époque, déjà, les chevaux, les chiens, eux, en avaient. Exactement. Il était courant de donner un nom à son chien. Par contre, je n'ai jamais, à titre personnel, trouvé de nom attribué à des oiseaux de proie. Et j'en discutais d'ailleurs il y a quelques années avec Michel Pastoureau, qui m'a aussi demandé si j'avais rencontré dans les textes, si les oiseaux de proie étaient nommés. Et je lui ai dit que ce n'était pas le cas. Donc c'est assez particulier d'avoir un animal aussi précieux, qui valorise socialement, mais qui, à côté de ça, ne soit pas du tout individualisé, qui ne possède pas de nom. Oui, donc ça reste peut-être, même si c'est un animal, plus un objet d'apparat, plus qu'un animal avec qui on vit, finalement. Exactement. Ouais. La manière dont je perçois cette considération de l'animal dans les textes, du moins dans ces traités-là, au Moyen-Âge, c'est vraiment comme un objet, plutôt que comme un individu avec qui on va chercher à nouer un lien et à partager des choses, autre qu'une partie de chasse où il va nous valoriser socialement. Mais vous avez dit un truc intéressant, je trouve, sur le fait de veiller à ce qu'il ne développe pas de mauvais traits de caractère. Ça veut dire qu'on a observé des personnalités chez les oiseaux qu'il ne fallait pas entretenir. Alors, qu'est-ce que c'était un mauvais trait de caractère dans ces traités pour eux ? Alors, les oiseaux sont anthropomorphisés puisqu'on leur prête des traits de caractère qu'on va prêter à des humains. Après, j'ai rencontré cette caractéristique dans un traité en particulier, donc un traité du XIIIe siècle, le roman de Zaouzel Kassadou, écrit par Daoud et des Prados. Et, par exemple, il ne doit pas être orgueilleux, il ne doit pas être vaniteux. Donc, il y a peut-être aussi un aspect religieux derrière tout ça. Mais effectivement, l'auteur insiste vraiment sur le fait que le fauconnier, si c'est un bon fauconnier, donc un bon fauconnier doit affêter un oiseau correctement, de manière à ce que l'oiseau n'acquiert pas de mauvais traits de caractère. Et parfois, ces mauvais traits de caractère peuvent amener à la mort de l'oiseau. Ah oui, ça veut dire qu'il peut être mis à mort si on estime que c'est pas un assez bon oiseau qui se comporte mal lors des parties de chasse ? Non, il ne parle pas de tuer l'oiseau de proie, il parle de la mort, de sa propre mort. C'est-à-dire qu'il va dire s'il acquiert ses mauvais traits de caractère, il va dépérir et ça conduira à sa mort. Ah, ok. Donc un mauvais trait de caractère chez un oiseau de proie peut le conduire lui-même à sa propre perte. Comme si sa moralité était compromise et que... Exactement. Ah ouais, c'est fou. Donc, c'est difficile de détacher cette anthropomorphisation morale et de savoir si réellement des observations faites par les auteurs médiévaux aboutissaient à vraiment des observations avec une terminologie... Disons qu'il est difficile de savoir si... Il s'agissait simplement de préoccupations d'ordre esthétique dans les textes, donc à ajouter une valeur morale à ses écrits, ou si il y avait vraiment une réalité derrière ça et que ces traits de caractère qui leur étaient attribués venaient d'observations faites par ses auteurs. Et est-ce que l'on sait si le fauconnier agissait contre ces traits de caractère ou contre des comportements de l'animal qui n'étaient pas encouragés ? Alors, effectivement, il y a beaucoup de conseils qui sont prodigués, notamment pour la partie affêtage. Afin que l'oiseau n'acquiert pas ses mauvais traits de caractère, il y a une rubrique qui m'avait particulièrement marquée dans le traité concernant un oiseau qui était trop impétueux et qui partait avec sa prise au lieu de revenir au point. Et donc l'auteur dit, s'il fait ça et donc qu'il s'en va avec sa proie, vous lui couperez le petit orteil pendant qu'il est encore tout tendre et ainsi il sera moins capricieux. Donc il fait quand même état de violence physique envers l'animal puisqu'on lui couperait le petit... Bon, il appelle ça orteil, le petit orteil, donc au niveau... Au doigt arrière. Oui, exactement. Ouais. Je pense que c'est le doigt arrière. Quand il est encore tout tendre, donc quand l'oiseau est jeune, mais est-ce qu'il le faisait réellement ou pas, puisqu'il ne faut pas oublier non plus que c'était des oiseaux qui étaient amenés à la cour et donc qui devaient être en parfait état physique et donc qui devaient être les plus beaux possibles. Donc... Difficile de savoir si c'est un conseil qui avait pour but d'être appliqué ou si c'est simplement toujours pareil dans un but esthétique qu'il a été écrit dans ce texte-là. Et puis il y a fort à parier que si l'oiseau était amputé, il était moins bon ensuite pour chasser. Puisque, j'imagine aussi. Donc ça aide pas beaucoup. Et est-ce que du coup cette idée de couper le doigt, c'est comme ce que l'on ferait subir à des voleurs humains ? C'était le même châtiment ? C'est des châtiments qu'on peut retrouver effectivement pour des vols. On pouvait amputer parfois un doigt ou une main à un voleur durant le Moyen-Âge. Donc là, je vulgarise beaucoup quand même puisque ça dépend de la période et des zones géographiques évidemment. Mais c'est le type de punition qu'on pouvait effectivement observer. C'est surprenant de voir qu'on peut appliquer des choses aux faucons de la même façon qu'on pourrait l'appliquer à des humains pris en faute. Donc ça veut dire que les réactions des faucons, elles étaient quand même analysées sous un œil un peu anthropomorphique, si on leur attribue des émotions qui sont propres à l'être humain. Est-ce que c'était une pratique courante à cette époque-là ? Alors, c'est effectivement une pratique qu'on observe dans le texte dont je vous ai parlé, puisqu'on constate une anthropomorphisation de l'oiseau de proie dans ses descriptions physiques et morales. Et donc, deux schémas de construction différents s'y côtoient. Dans le premier, l'auteur dote l'oiseau de caractéristiques physiques humaines, et dans le second, il se voit attribuer différents traits de caractère similaires à ceux que l'on peut retrouver aussi chez l'homme. Alors, au sein de ce traité-là, l'oiseau de proie éprouve des sentiments, des envies et des émotions. Et les attitudes attribuées à l'oiseau sont variées et ne se limitent pas voilà, aux simples caractéristiques mélioratives. Selon l'espèce mentionnée, la nature, le caractère sera variable. Alors c'est un procédé effectivement qui n'est pas nouveau puisqu'on le retrouve dès l'Antiquité dans les fables et ça jusqu'au Moyen-Âge, notamment dans les bestiaires, donc des ouvrages moralisants qui parlent des animaux, et même plus tardivement dans le roman de Renard. Alors les troubadours eux-mêmes, donc les troubadours qui sont des poètes occitans spécialistes de la lyrique, donc de la poésie amoureuse, en usent eux-mêmes fréquemment de ces comparaisons animalières, et l'un d'entre eux, donc Rigaud des Barbezieux, qui était un troubadour du XIIe siècle, en a fait l'un des traits caractéristiques de son œuvre. Cette humanisation, elle ne se cantonne pas aux simples descriptions physiques, dans le cas de la fauconnerie de l'oiseau, mais ce dernier se voit également doté d'une certaine capacité de réflexion, de sentiments et d'émotions, l'orgueil, le caprice, l'envie, l'empressement, etc. Et oui, c'est vrai que dans le roman de Renard, c'est vrai que c'est, pour mettre un tout petit peu de contexte, c'est un texte très populaire. C'est vrai qu'on raconte souvent cette anecdote comme quoi les renards ont été baptisés en l'honneur du héros, parce qu'on disait que c'était des goupilles avant, c'est ça. Et c'est vrai que, alors c'est marrant parce que vous me disiez que les faucons n'étaient jamais nommés, alors que dans le roman de Renard, tous les animaux ont un nom. C'est vrai qu'il y a Isengrin le loup, il y a Chanteclerc le coq, le chat c'est Tibère, le roi aussi, noble, je crois que c'est noble le lion. C'est marrant que, voilà, même si on leur associe des idées humaines, des pensées, qu'il n'y ait toujours pas ce passage au nom qui était pourtant populaire dans le roman de Renard. On vous laisse virevolter tel le faucon pèlerin dans les cimes, le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. On nous rappellerait celui de Rochambeau, peut-être. Un bal. Les C'était Le bal est fini de Leïla Makala. Vous êtes bien sur Campus FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Et nous revoici avec notre invitée Margot Constance, doctorante en histoire, rattachée au laboratoire Framespa, France, Amérique, Espagne, Société, Pouvoir, Acteur, de l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Elle nous parle de ses travaux sur la fauconnerie et la société aristocratique en France méridionale du XIe au XIVe siècle. Alors, on l'a un petit peu vu dans la première partie de cette émission. Pour mener à bien votre recherche, vous étudiez des traités de fauconnerie, mais vous en étudiez un en particulier. En quoi est-ce qu'il est différent ou en tout cas original par rapport aux autres traités de fauconnerie de la même époque ? Alors, j'étudie en fait le seul traité de fauconnerie qui a été écrit en Occitan médiéval sur le territoire méridional. Du moins, le seul qui nous soit parvenu. Et c'est Daude de Prados, donc un troubadour huerga, donc un poète spécialiste de la lyrique, qui en est l'auteur. Et donc c'est un traité qui est versifié en octosyllabes, donc écrit sous forme de poème, qui fait environ 3792 vers et 122 rubriques. Donc 150 pages à peu près de préconisations thérapeutiques et qui parlent d'affêtage, mais sous forme de poésie. Mais c'était courant qu'un troubadour s'essaie à l'écriture de traités. Est-ce qu'on s'imagine que c'est plutôt, voilà, on disait des érudits qui étudiaient des choses. Un troubadour, on imagine beaucoup plus quelqu'un qui est là pour divertir les puissants. C'est vrai que je n'aurais pas pensé qu'un troubadour pouvait disserter sur des choses aussi factuelles, scientifiques, cadrées qu'est l'élevage des faucons. Alors, c'était absolument pas courant. Et je vous avoue que l'un des objets de ma recherche est d'essayer de comprendre pourquoi il l'a écrit et s'il était spécialiste des oiseaux de proie ou si c'était simplement un ouvrage de commande qu'il a écrit à partir de compilations de traités latins du XIIe siècle. Je ne sais pas, j'hésite encore, je ne sais pas s'il s'y connaît, si les conseils qu'il prodigue ou les interventions personnelles qu'il fait au sein de son traité ont un but esthétique ou s'il a vraiment des préoccupations envers ses animaux. Voilà, c'était absolument pas courant. C'est le seul, d'ailleurs, c'est le seul traité de fauconnerie qui nous soit parvenu, qui soit versifié. Oui, voilà, parce que traités, même la forme est surprenante. La forme est surprenante, mais finalement très fidèle à ce qu'il maîtrise, donc à la poésie lyrique. Voilà. Donc c'est vraiment un ouvrage hors du commun, parce que non seulement voilà, c'est un troubadour qui l'écrit en vers et en plus en occitan. Tout à fait. Donc moi, c'est vrai qu'en néophyte total, la question me titille. Comment est-ce que vous faites pour étudier des documents dans d'autres langues, l'occitan, parce qu'en plus l'occitan médiéval n'est pas le même que l'occitan tel qu'il pourrait être encore parlé dans la région. Comment est-ce que vous faites pour travailler sur ces documents en langue ancienne ? Alors, c'est compliqué. J'ai une double formation. J'ai une formation en littérature, donc je me suis spécialisée justement dans l'étude de l'occitan et j'ai eu des enseignements sur l'occitan médiéval et sur la littérature en occitan médiéval quand j'étais en licence. Et j'ai aussi une formation d'historienne, puisque j'ai fait un master en histoire et j'ai fait un master aussi en littérature. Et donc, j'ai appris à traduire l'occitan médiéval. Donc, évidemment, toutes mes traductions sont contrôlées et vérifiées par des pairs. Et une des tâches que j'ai à accomplir dans cette thèse est d'éditer ce traité, donc de le transcrire à partir des manuscrits médiévaux, donc des manuscrits qui nous sont parvenus des fins du XIIIe siècle, XIVe siècle, XVe siècle et XVIIIe siècle. Et donc, à partir de ces manuscrits, établir un texte, le transcrire et ensuite le traduire. Et donc, pour ça, il faut maîtriser la langue, évidemment, puisqu'on a quand même affaire à un texte qui s'inspire de traités latins plus anciens, donc du XIIe siècle, que l'auteur a compilé, qu'il a ensuite traduit pour composer sa propre œuvre. Donc, il faut maîtriser la langue des traités latins, il faut maîtriser l'occitan et être capable de produire une traduction qui ne sera forcément pas fidèle au traité occitan, mais qui permettra du moins aux chercheurs qui veulent étudier et s'intéresser à ce sujet, de pouvoir aussi comprendre le sens du texte. Donc c'est une traduction que je fais en prose, par exemple, que je ne fais pas en vers, parce que c'est totalement impossible. Ouais, je comprends. Mais ça veut dire, d'un point de vue pratico-pratique, cet ouvrage, vous consultez le texte d'origine qui date de cette époque-là, ou est-ce qu'il y a des copies ? Parce que j'imagine qu'un livre ancien est fragile. Est-ce qu'en bibliothèque, vous avez accès à des retranscriptions ? Comment est-ce que vous travaillez concrètement ? La première approche que j'ai eue de ce texte a été faite à partir d'une transcription, justement, d'une édition qui a été réalisée par un chercheur américain qui s'appelait Alexander Hermann Schutz en 1945. D'accord. Donc c'est l'édition la plus récente du texte. Et donc, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je ne me suis pas posé la question d'une transcription et d'une traduction. J'ai d'abord commencé à travailler sur la transcription du texte, puisqu'aucune traduction n'existe de ce texte. Et je me suis vite aperçue que le chercheur donc, avait fait des erreurs dans sa transcription, notamment par le choix du manuscrit qu'il avait choisi de transcrire, puisque lorsqu'on fait une édition, il faut choisir un manuscrit que l'on transcrit, et les autres manuscrits qui nous sont parvenus vont servir à noter les variantes, donc les termes qui diffèrent selon les versions. D'accord. Ça indique aux chercheurs qui travaillent sur cette source de seconde main quelles sont les différences entre les textes, à quel moment elles interviennent, etc., pour qu'on puisse avoir une idée de tous les témoins manuscrits, mais sans les avoir sous les yeux. Et donc, j'ai noté beaucoup d'erreurs concernant cette transcription. Et donc, j'ai voulu aller voir les témoins manuscrits, puisqu'il y en a un qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, il y en a un qui est conservé à l'Arsenal, il y en a un qui est numérisé à la Bibliothèque apostolique Vaticane. Donc, celui-là, j'ai pu y accéder en ligne. Et donc, je me suis aperçue que j'aurais choisi un autre manuscrit à éditer, qui, je le trouvais, était beaucoup plus intéressant au niveau de la langue et au niveau de son contenu. Et j'ai commencé à reprendre cette édition-là. Donc j'ai transcrit le texte à partir d'un des manuscrits, et puis j'ai cherché à pouvoir observer les autres. Donc celui que j'ai choisi date de la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, et effectivement on peut les consulter sur place dans des centres d'archives, et là en l'occurrence j'ai pu aller le voir à la Bibliothèque nationale de France. Parce que c'est vrai qu'on ne pense pas forcément que d'une version à l'autre, il y a des changements. C'est vrai que... Mais après, voilà, le monde de l'édition par rapport à l'époque médiévale n'est plus du tout le même. Et c'est vrai que les livres anciens, du coup, ils étaient manuscrits, donc écrits à la main. Chacun pouvait faire ses ajouts, ses modifications. Donc, ouais. Voilà. On part du postulat qu'il y a eu un manuscrit de base, donc un seul témoin qui a été écrit par l'auteur ou un scribe à qui il a dicté le contenu. Et puis de ce manuscrit-là sont nés différents manuscrits. Et on peut voir ça un petit peu comme un arbre généalogique, ce qu'on appelle tableau de filiation en histoire. Et donc, ces témoins ont créé plusieurs branches. Et donc, forcément, il y a des divergences au niveau des versions. On appelle ça des... Contaminations. Contamination. Ah, d'accord. Enfin, voilà. Il y a, en tout cas, selon les manuscrits et les différentes branches qui sont nées, il y a ce qu'on appelle des leçons. Donc, un mot qui va changer par rapport au même mot dans un autre manuscrit. Dans un manuscrit, on va lire poirier. Dans un autre, on va lire pommier. Donc voilà, ces différences-là sont à expliquer de différentes manières, mais donc le but de l'édition est de signaler quels sont ces changements. Donc on appelle ça des variantes significatives sur le sens, et donc pour certains historiens spécialistes de ces textes-là, de pouvoir aussi tenter de remonter cet arbre généalogique des manuscrits et pouvoir hypothétiquement remonter au premier manuscrit ayant été produit. Dans le cas de ce traité, il ne nous est pas parvenu. Donc on se contente des témoins qui nous sont parvenus et qui sont plus récents. C'est une autre question qui me vient en lien avec votre méthodologie. On a évoqué tout à l'heure que dans les textes, des fois, il était dur de différencier les faits de choses qui ont été rajoutées un petit peu en liberté poétique ou moralisatrice par l'auteur. On parlait voilà, du doigt coupé chez le faucon qui semble plus symbolique que réel. Comment est-ce que vous pouvez faire pour détricoter ce qui a eu de bonnes chances de vraiment se produire, de ce qui tient plus du lyrisme et de l'invention de l'auteur? Est-ce que vous avez un moyen de le prendre en compte dans votre analyse pour un petit peu différencier les deux? Alors, c'est un exercice qui est complexe. Pour le cas de ce traité en particulier, voilà, on a pu établir que l'auteur s'était servi de 7 traités latins pour le composer. Donc, une des tâches qui est relative à mon travail de thèse est d'établir quels sont les passages qu'il a empruntés à ces traités latins et quels sont les passages qui seraient peut-être inédits, puisqu'on suppose qu'il y en a 7, mais il y en a peut-être plus. Et donc ça me permet déjà de savoir quels sont ses ajouts à lui. Après, savoir si les ajouts qu'il effectue sont des observations éthologiques ou sont vraiment là dans un but esthétique, on peut difficilement le savoir. Et donc, mon directeur de thèse, Baudouin van den Abel, a publié un ouvrage qui s'appelle « La fauconnerie au Moyen-Âge, connaissance et affêtage des oiseaux de proie dans les traités latins ». Et donc, lorsqu'il l'a écrit, il a fait appel à des éthologues et à des spécialistes des sciences vétérinaires, à la fois pour essayer d'expliquer à quoi correspondent les pathologies, puisque les pathologies sont écrites en latin. Le nom des maladies est écrit en latin, et donc pour essayer de savoir à quoi cela pourrait correspondre aujourd'hui. Donc il y a eu déjà une belle avancée qui a été faite dans l'histoire des techniques et l'histoire des sciences sur la thématique de la fauconnerie, puisque voilà, on a pu trouver à quelles étaient les correspondances actuelles de ces pathologies-là. Après, pour savoir si la démarche scientifique qui est amenée dans ces textes et réel si les auteurs n'avaient absolument jamais tenté de soigner un oiseau comme ils l'annoncent, si c'était simplement l'art dans un but esthétique, c'est difficile. Et donc pour ça, on peut faire appel à des éthologues, donc des spécialistes du comportement des animaux dans leur environnement. Et donc pour une partie de mon travail, j'échange avec Simon Potier, donc qui est éthologue et fauconnier, et qui a pu m'apporter son aide, justement, son éclairage, du moins ses remarques pour expliquer peut-être certaines pathologies ou certains comportements. Est-ce que l'éclairage de Simon Potier, qui est donc éthologue et fauconnier, vous a permis d'un petit peu confronter ces faits? Est-ce que ce qui était décrit dans ces traités se vérifie dans la réalité ou pas du tout? Alors, je peux vous en parler un petit peu sur le plan thérapeutique, puisque voilà, on sait que le fauconnier devait être capable de déceler les différents maux ou les différentes pathologies dont l'animal pouvait souffrir. Donc il devait également savoir de quelle humeur était l'oiseau. Si l'oiseau tombe malade, le rapport de proximité établi avec son fauconnier doit permettre à ce dernier d'établir un diagnostic et d'être en capacité de comprendre ce qui touche l'animal. Sauf que comprendre l'autre sans pouvoir faire l'usage de la parole est un exercice quand même complexe, voilà. Et les sources médiévales montrent une réelle cohérence, voilà, entre les observations médiévales et la réalité pathologique des maux dont les animaux étaient atteints. Donc à la lecture des préconisations thérapeutiques ou techniques, on se rend compte que l'oiseau de proie est un être sensible, extrêmement stressé et par conséquent souvent sujet aux maladies dont le comportement est difficile à contrôler. Et là où l'historien peut observer des commentaires d'apparence esthétique ou morale, une discussion avec un éthologue comme Simon Potier permet de révéler une grande cohérence dans les observations comportementales et une grande sensibilité au bien-être animal. Et donc c'est un travail qu'avait notamment entrepris Baudouin van den Abel. Et donc en discutant avec Simon Potier, par exemple, je lui lisais une rubrique donc sur les fungus, donc qui sont des spores qui viennent se loger dans la trachée, dans la gorge de l'oiseau, au fond de son palais. Et donc je lui disais que le contenu de cette rubrique me paraissait peu réaliste, notamment sur les indications qui étaient données pour traiter ça, puisqu'en dernier recours, ils expliquaient qu'il fallait gratter au fond le palais et la gorge de l'oiseau pour enlever les fungus. Et donc, okay. Et ensuite donner l'équivalent d'un os à moelle qu'on donne aux chiens. Voilà, on le faisait tirer en pattes ou en pattes de lapin ou en pied de poulet. Ce sont des zones très tendineuses en fait, et donc ça permettait à l'oiseau de se faire le bec. Et donc, je trouvais ça quand même assez violent pour l'animal. Le fond du palais, ouais. Voilà. Et au début de la rubrique, l'auteur dit « l'oiseau a des fungus à la suite d'un rhume, exactement. » Et donc, je disais à Simon Potier, moi, je trouve ça complètement hallucinant. Enfin, je doute de la véracité de son contenu. Et lui me disait « c'est marrant ». Puisque l'une des indications que l'oiseau nous donne pour savoir s'il a des fongus, je ne sais pas quel est le terme qui correspond aujourd'hui, c'est qu'il a le nez qui coule. Donc ça veut dire que lui, il l'a observé chez des oiseaux aujourd'hui, ces pathologies-là. Enfin, en tout cas, ce lien entre le rhume et ces formations au niveau de la gorge. Voilà, et donc lui me parlait de l'aspergillose, donc oui. Qui est voilà, une spore qui se niche... une spore que peut attraper l'oiseau, je ne sais pas si le terme attraper convient. Oui, si, enfin, il se fait contaminer par les spores du champignon complètement. Ouais. Voilà, et donc l'un des symptômes est que l'oiseau a le nez qui coule. Et donc il me disait, c'est très cohérent avec ce qui est expliqué dans la rubrique, puisque effectivement, chez un humain, lorsqu'on l'observe chez un humain qui a un rhume, a le nez qui coule. Voilà, donc pour lui c'était très cohérent et il m'expliquait que l'un des moyens de traiter l'aspergillose était d'endormir l'oiseau et de l'enlever, donc de la gratter. Dans sa gorge, dans son palais. Donc on le faisait encore aujourd'hui, mais bon, pas forcément dans les mêmes conditions qu'au Moyen-Âge où les techniques d'anesthésie n'étaient pas du tout les mêmes. Voilà, donc finalement, là où moi je pensais que c'était quelque chose de totalement irréaliste, en fait, pas tant que ça, et donc on observe qu'il y avait vraiment une réalité et des observations qui étaient pratiquées au Moyen-Âge au niveau des pathologies et de la symptomatique. Et est-ce qu'à côté de ça, il y a des choses au contraire qui sont très fantaisistes? Ou pas trop? Alors, concernant le contenu qui peut être irréaliste, dans ce traité, dans ce texte en particulier, j'ai pu observer une rubrique. J'en ai discuté avec mon directeur de thèse ensuite, et lui n'a vu ce contenu-là nulle part. Le troubadour explique que si on a donné son oiseau de proie à quelqu'un et qu'on souhaite le récupérer, il donne une recette pour qu'une fois qu'on l'a récupéré, on puisse lui faire une teinture... pour qu'il devienne rouge, donc on fait ça avec de l'écorce d'aulne, et ainsi il deviendra aussi rouge que le cresserelle. Et donc, pour le troubadour, ben, si on veut récupérer un oiseau, donc si on veut voler l'oiseau qu'on a donné à quelqu'un, il faut lui faire cette teinture. Sauf que cette médication, on la retrouve dans deux textes qui sont plus récents. Donc on peut se demander si ces textes-là auraient pris exemple sur celui-là. Sauf que dans ces deux textes, il est simplement expliqué que si on veut teindre l'oiseau dans le cadre de la mue, il faut appliquer cette recette. Mais à aucun moment, il n'est fait mention de vol, qui d'ailleurs n'est pas du tout moral. Oui, bah oui, complètement. Et venant d'un troubadour qui était d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, clair, c'est quand même assez étrange. Et donc, on peut se demander ce que fait là cette rubrique qui sort totalement du cadre du traité. Oui, mais c'est marrant, j'ignorais totalement qu'un troubadour pouvait être clair, donc il était en lien avec les hautes instances religieuses, parce que c'est vrai qu'on a cette idée sans doute erronée que les troubadours sont vraiment les saltimbanques, les amuseurs publics. On a du mal à imaginer qu'ils puissent avoir une charge morale liée à la religion à côté. Alors au Moyen-Âge, on pouvait cumuler plusieurs fonctions, voilà. On essaye souvent de faire rentrer dans des cases les individus, et donc le troubadour, donc Daude de Prado, c'était à la fois troubadour, mais il aurait été, puisqu'on le suppose, chanoine de la cathédrale de Magellan, ou chanoine à Rodez. Alors là, c'est très compliqué aussi de pouvoir retracer sa biographie, puisqu'on a extrêmement peu de mentions, et donc son nom latin, Deodatus de Pratis, on le retrouve dans beaucoup de mentions, sauf que est-ce que c'était lui, est-ce que c'était un homonyme, parce qu'il existait quand même beaucoup de Deodatus de Pratis au Moyen-Âge. Et donc, le travail de l'historien est là extrêmement complexe, savoir déterminer de qui on parle, et donc si le troubadour avait un homonyme ou pas, donc on pense qu'il avait d'ailleurs un homonyme et que l'oncle et le neveu avaient le même nom. Ah, ce qui ne simplifie pas du tout la tâche. Exactement. Et donc voilà, on suppose, on sait qu'il a été clerc, donc on suppose qu'il a été chanoine, et on suppose d'ailleurs qu'il a bien été chanoine de la cathédrale de Rodez. Après, quelles sont les autres fonctions qui ont été à sa charge? On a du mal à différencier voilà, ce qu'a porté l'oncle et ce qu'a porté le neveu. Et là encore, savoir si c'était bien un oncle et son neveu, on émet seulement des hypothèses. Donc c'est un peu compliqué, mais bien, un troubadour pouvait aussi être clair. Incroyable. Alors enfin, et pour finir cet échange, je voulais savoir si c'était courant dans votre discipline, l'histoire, voilà, de croiser les regards et les disciplines, comme avec cette collaboration avec Simon Potier et éthologue, dans le cadre d'un travail de recherche. Est-ce que c'est courant voilà, de mélanger biologie, histoire ou non, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez nouveau ? Il est fréquent que des historiens travaillent en collaboration, notamment avec des archéologues. C'est quelque chose que je trouve courant après, puisque j'y suis sensible. Mais ce travail avec des éthologues, avec des biologistes, avec voilà, des psychologues aussi qui peut être fait, n'est pas du tout courant. Et donc, c'est quelque chose de nouveau. Et ça a notamment été instigé et valorisé par Éric Baraté dans ses recherches sur la condition animale, puisque Éric Baraté souhaitait faire, ou souhaite toujours faire, et a publié un livre sur l'histoire de l'animal en tant qu'individu, et donc a émis le souhait de sortir des biographies animales et donc pouvoir retracer la vie d'un individu. Et il a fait ça, il me semble, avec un cheval pendant la guerre. Voilà, et donc ce qui est difficile à faire pour le Moyen-Âge, par contre, puisqu'on a très peu de sources, et dans le cas de la fauconnerie, les sources mentionnent seulement les oiseaux de proie, le faucon, mais absolument pas d'individus. On parle de manière très générale de ces oiseaux, mais effectivement, dans la recherche des liens entretenus entre l'homme et l'animal et des relations homme-animaux, il y a effectivement des chercheurs qui y sont très sensibles et qui méthodologiquement publient, notamment puisqu'Éric Baraté publie un livre par an depuis maintenant 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, sur la méthodologie pour croiser les sciences, pour faire l'histoire des animaux. Et donc beaucoup de chercheurs et de plus en plus de chercheurs sont amenés à travailler en coopération avec des éthologues, avec des linguistes aussi, avec des anthropologues, des archéologues, etc. Donc c'est quelque chose que je trouve génial, voilà, à titre personnel. Et qui, je trouve, aussi permet de vraiment valoriser la recherche et d'apporter quelque chose de supplémentaire, puisque nous, historiens, sommes spécialistes des textes et des sources, mais à titre personnel, je n'ai aucune formation en éthologie, et ce que peut m'apporter Simon Potier est vraiment très précieux. Donc, okay. Et puis on peut se réjouir, je pense, que toutes ces disciplines œuvrent pour essayer de mieux comprendre aussi l'histoire des relations hommes-animaux, et c'est vrai qu'en mélangeant voilà, des sources, des approches différentes, je pense qu'on a tout à y gagner pour mieux les comprendre. Eh bien, merci beaucoup Margot d'être venue répondre à mes questions. On vous souhaite le meilleur pour le bouclage de la thèse et on a hâte de lire vos résultats. On finit comme d'habitude par quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous conseiller quelques ouvrages. Pour vous documenter sur l'histoire de la fauconnerie, je ne peux que vous conseiller le livre intitulé « Le faucon, favori des princes » de Corinne Beck et Elisabeth Rémy. Cet ouvrage au format poche de 112 pages fait partie de la collection Découverte Gallimard qui comporte plus de 500 titres et que je vous recommande chaudement. Chaque titre expose dans un petit livre très bien sourcé et surtout richement illustré toutes les bases pour vous approprier un sujet. Vous pouvez y retrouver un descriptif des différentes espèces de rapaces que l'on a citées avec Margot, une évocation des traités de fauconnerie et des termes spécifiques associés, ainsi que des comparaisons sur les différences et similitudes des pratiques de fauconnerie à travers les âges en Europe, Afrique et Asie. Cet opus-là n'est malheureusement plus édité, mais vous pouvez le trouver facilement d'occasion. Ensuite, pour creuser l'évolution des représentations des animaux au fil des époques, je vous conseille les écrits de l'historien Michel Pastoureau. Il s'est frotté à l'imagerie qui entoure le cochon, l'ours et plus récemment le loup et le taureau dans une collection aux éditions du Seuil. Sans surprise, mon préféré est le dernier paru de la collection qui s'intitule « Le corbeau, une histoire culturelle ». Cet ouvrage de 160 pages, dédié à l'oiseau noir, retrace la manière dont les corbeaux sont représentés majoritairement en Europe, de l'Antiquité à nos jours. Des corbeaux d'Odin en passant par la corneille envoyée par Noé après le déluge, vous détricoterez les mythes et les histoires qui collent aux plumes de cet oiseau mal aimé. L'iconographie est splendide et permet de plonger dans les bestiaires avec volupté. Une autre approche, comme on l'a dit lors de l'interview, est celle de l'historien Éric Baratet, qui, elle, se concentre sur les animaux en tant qu'individus et non comme représentation symbolique dénuée d'émotions. Il a lancé depuis 2019 la publication de livres collectifs où s'entrecroisent les disciplines, à raison d'un ouvrage par an. Historiens, archéologues, archéozoologues et éthologues mélangent leur savoir et leur point de vue pour livrer des analyses pertinentes et instructives. Tous les livres sont sortis aux éditions de la Sorbonne et les quatre ouvrages parus à l'heure actuelle s'intitulent « Aux sources de l'histoire animale »,« Croiser les sciences pour lire les animaux », »,« L'animal désanthropisé, interroger et redéfinir les concepts » et enfin « Les animaux historicisés, pourquoi situer leur comportement dans le temps et l'espace ». Si vous voulez creuser l'approche d'Éric Baratet avec un ton moins académique, je vous conseille le livre « Le point de vue animal, une autre version de l'histoire » paru aux éditions du Seuil, qui résume ses propos. Cet ouvrage de 390 pages explore les parcours de chiens et de chevaux pendant la Grande Guerre, de taureaux, de corridas ou de toutes celles et ceux qui travaillent pour nous. L'historien nous explique aussi comment il sélectionne ses sources, témoignages, mais aussi extraits de fiction pour mener à bien son enquête. Il nous livre des réflexions très intéressantes sur notre rapport aux autres animaux et la manière dont ils sont traités dans notre histoire commune. Idéal pour s'interroger et modifier notre vision des choses. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un grand merci à Manuel Grosselet pour le son de Buse à Queurousse, issu du site de Xenocanto qui illustre cette chronique. Un grand merci également à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche !